Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de l'université Kim Bo-hyun s'est déroulé vendredi en présence de Kwak Bom-gi, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des officiers intéressés, du personnel et des étudiants de cette grande école. Kwak Bom-gi a transmis les félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressées au personnel et aux étudiants de l'université Kim Bo-hyun. Le message indique: l'université Kim Bo-hyun est un centre de formation des cadres agriculteurs fiables du pays qui forme spécialement les cadres gestionnaires de la campagne socialiste. Le président Kim Il-sung a fondé le 11 mars de l'an 36 de juillet 1947 le centre de formation des cadres agriculteurs de la Corée du Nord, origine de l'université Kim Bo-hyun, a pris la mesure pour sa gestion même pendant la guerre de libération de la patrie et indiqué nettement à chaque étape du développement de la révolution orientation et moyens pour améliorer le travail de l'université. Le général Kim Jong-il a rebaptisé le 11 août de l'an 83 du juillet 1994 l'université sous le nom de Kim Bo-hyun, avec le noble dessein de former des cadres compétents continuant l'esprit du patriote et conduit minutieusement à développer l'enseignement et l'éducation de l'université. Nous félicitons le personnel et les étudiants de l'université Kim Bo-hyun qui ont dispensé intelligence et passion pour appliquer à fond la politique du parti en matière d'enseignement et préparer les piliers de la campagne socialiste. Le rapport a été suivi des interventions.